Chapitre 17e. Le colonel avait rapidement franchi la distance qui le séparait de Thérèse. Mais en arrivant près de celle-ci, il s'était arrêté, ne sachant où poser les pieds au milieu des herbes et des fleurs étalées sur le gazon. « Et que voulez-vous faire de tous ces herbages, ma petite cousine ? » dit-il en riant. « Des herbages ! Je veux dire de toutes ces fleurs, des champs et des eaux. À la bonne heure, je vais les emporter à Paris. Et à Paris ? À Paris, je vais les mettre dans mon jardin. Vous avez donc un jardin ?» Elle partit d'un grand éclat de rire qui découvrit ses dents blanches. « Comment, si j'ai un jardin ? Mais certainement j'en ai un, grand comme cela. » Avec un roseau qu'elle tenait en ce moment dans sa main, elle décrivit un carré de 2 mètres environ. « Cela ne vous paraît pas superbe. Je suis moins difficile que vous. Au reste, quand vous viendrez à la maison, je vous le montrerai, et je suis certaine que vous changerez de sentiment. C'est sur la fenêtre de ma chambre qu'il est, ce jardin, et il va de la fenêtre à la gouttière. C'est une belle caisse en chêne solidement construite par Michel. C'est lui qui vous l'a donnée pour ma fête, l'année dernière. D'abord, je voulais y cultiver des fleurs que je semais moi-même ou que j'achetais au château d'eau. Et c'est par là que j'ai commencé. Mais les fleurs poussent mal à Paris, sur les toits. Sans doute, c'est très agréable de voir grandir une plante qu'on a semée. Mais d'un autre côté, c'est chagrinant de la voir s'étioler et dépérir. À quoi bon avoir des fleurs à soi, si elles sont laides ? Je suis ainsi faite que l'amour de la propriété ne m'entraîne pas à trouver une chose belle par cela seule qu'elle est à moi. J'aime mieux ce qui est beau et ne m'appartient pas que ce qui est laid et m'appartient. Mais c'est très bien raisonné cela, ma petite cousine. N'est-ce pas ? Alors, voyant que je ne pouvais pas arriver à avoir de belles plantes en les cultivant moi-même sur ma fenêtre, j'ai renoncé au jardinage et au lieu de faire pousser mes fleurs, je les ai prises toutes poussées dans les champs. Tous les dimanches, j'en emporte 1 ou 2 gerbes que je fais revivre tant bien que mal dans l'eau, sur ma fenêtre. Voulez-vous que je vous montre les champs où je fais ma récolte ? Elle avait achevé de lier avec des brins de jonc les herbes et les roseaux étalés autour d'elle. Sa gerbe, solidement serrée, elle alla la mettre trempée dans la rivière auprès de celle qui s'y trouvait déjà. Alors ils sortirent de l'oseraie. « Père, cria-t-elle, je vais me promener sur la berge avec mon cousin. »« Bon, mes enfants, répondit Antoine sans lever la tête, mais ne vous éloignez pas trop du moulin, je crains la pluie. » Alors ils se mirent à marcher doucement sur la berge, côte à côte. « C'est ici, dit-elle, que tous les dimanches, depuis le printemps jusqu'à l'hiver, je viens faire ma moisson. Mais il me semble qu'il n'y a pas de fleurs en toute saison. Oui, bien sûr, on ne trouve pas toujours comme maintenant ces beaux iris jaunes, ces reines des prairies, ces jonquilles, ces aubépines, ces pruneliers. Mais toujours il y a des roseaux, des joncs, des prêles. Et presque toujours aussi, il y a des graminées, si jolies lorsqu'elles sont en épi. Non seulement vous aimez les fleurs, ma chère cousine, mais encore vous les connaissez. Voilà qui est rare chez une fille élevée dans une ville. Il le faut bien. Pourquoi donc le faut-il ? Vous ne savez donc pas que c'est mon métier. C'est votre métier de connaître le nom des plantes. Non seulement leur nom, mais leur forme, leur couleur, et bien d'autres choses encore. Vous m'avez fait tant parler de moi hier soir qu'il ne m'est plus resté de temps pour apprendre quoi que ce soit de vous. Alors je veux bien vous dire comment j'étais amené à m'occuper des fleurs. Je n'étais encore qu'une petite fille quand mon père me mit un crayon entre les doigts. Vous savez que j'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans, et pour mon père, il ne lui était pas toujours facile de m'amuser. Je m'amusais toute seule, à dessiner auprès de lui pendant qu'il travaillait. Tout naturellement, sans y penser, je fis des progrès assez rapides. Je voyais les objets sous leur forme vraie, et je les reproduisais assez exactement sur les morceaux de bois qui me servaient de papier. Si j'avais été un homme, cela me donnait un métier. J'aurais travaillé avec mon père. Mais la sculpture sur bois est trop dure pour une main de femme. Il fallait donc chercher autre chose. Alors mon oncle, qui sait tout et qui connaît tout le monde, décida que j'apprendrais la peinture à l'aquarelle, afin de peindre un jour sur porcelaine. Avez-vous vu des sculptures de mon père ? Non, je n'ai aperçu dans l'atelier que des pièces ébauchées. Eh bien, si vous en aviez vu, vous sauriez que mon père s'est toujours appliqué à travailler d'après nature. C'est là son mérite et ce qui fait sa réputation. Ces animaux, ces plantes, ces fleurs de fantaisie, comme on en fabrique tant dans le faubourg, ce sont des copies. Bien entendu, il a tenu à me faire travailler d'après ses principes et c'est ainsi que chaque dimanche, j'ai emporté des plantes et des fleurs qui devaient me servir de modèle pendant la semaine. Quand vous reviendrez nous voir, je vous montrerai ce que je fais. Cela n'est pas aussi bien que je voudrais, mais enfin, je commence à comprendre ce qui me manque, et c'est déjà quelque chose. Et puis, on ne me donne plus des cornets, des coupes et tous ces petits objets de pacotille qui se fabriquent pour être vendus dans les fêtes. J'ai en ce moment une commande de 6 assiettes. Dans un an, quand je n'aurai plus à travailler pour mon oncle, je pourrai, avec ma peinture sur porcelaine, gagner 6 ou 8 francs par jour. N'est-ce pas un bon métier pour une femme ? Ce babillage était intéressant pour le colonel parce qu'il lui montrait Thérèse sous un certain jour. Mais tout en l'écoutant, il se demandait comment il en arriverait à l'interroger sur les points qui le touchaient plus particulièrement. Ces derniers mots lui offrirent l'ouverture qu'il avait jusque-là vainement cherchée. « Assurément, dit-il, c'est là un métier excellent. Et à tous les avantages que je lui vois, il en joint un inappréciable. C'est de vous placer au-dessus du besoin, et par là de vous permettre de ne vous marier que comme vous voudrez, et quand vous voudrez. « Me marier, moi ? » s'écria-t-elle en frappant ses deux mains l'une contre l'autre en riant. « Et pourquoi pas ? Le mariage n'est-il pas la grande affaire de la vie ? N'êtes-vous pas assez jolie pour vous marier ? Ah, mon cousin ! Cela vous fâche que je vous dise que vous êtes jolie ? Cela me fâche si c'est un compliment, parce que je voudrais qu'il n'y eût entre nous ni compliment ni cérémonie. Et si c'est la simple vérité, alors ça ne me fâche pas. Au contraire, et franchement, même cela me fait plaisir, parce qu'il m'est agréable qu'on me trouve jolie. Si vous êtes jolie, et vous l'êtes réellement, croyez-en ma sincérité. Pourquoi ne vous marieriez-vous pas ? Voulez-vous me le dire ? Parce que je suis une fille difficile à marier, tout simplement, et pas pour autre chose. Que suis-je par ma position ? Une ouvrière, fille d'ouvrier, rien de plus. Que suis-je par la manière dont j'étais élevée ? Une sorte de demoiselle. Oh, une bien petite demoiselle, je le sais mieux que personne. Mais enfin, une espèce particulière qui se rapproche de la demoiselle au moins par certains côtés de son éducation. Qui voulez-vous que j'épouse ? Qui voulez-vous qui m'épouse ? Vous souriez. Je souris de voir une jeune fille de 16 ans vraiment charmante se dire qu'il n'y a pas en ce monde de mari pour elle. Ce n'est pas à cela que je pense, et je crois même qu'il y en a plusieurs. Seulement ceux qui voudront de moi seront faits de telle sorte que probablement je ne voudrais pas d'eux, tandis que ceux dont je voudrais bien ne voudront certainement pas de moi. Vous parlez de cela comme devant n'arriver que dans un avenir éloigné. Est-ce qu'il ne s'est pas présenté de ses maris de l'une ou l'autre catégorie, de ceux qui voudraient de vous comme de ceux que vous voudriez ? Mais c'est ma confession que vous me demandez là, mon cousin. » Il eut un moment d'embarras, car sa question était vraiment bien directe et franchissait les limites d'une simple conversation. Mais elle se mit à rire. « Notez, dit-elle, que je veux bien vous répondre, seulement il est entendu que vous prenez le rôle d'un confesseur. » « Non, ma chère cousine, non, mais d'un ami, d'un parent qui a vécu jusqu'à ce jour loin de vous, qui ne sait rien ou presque rien de vous, qui a pour vous la plus vive sympathie et qui désire vous connaître mieux, afin de vous aimer davantage. » Il lui prit la main et la serra, tandis qu'elle le regardait avec de grands yeux étonnés et curieux. « Si je vous ai posé ma question, continua-t-il, c'est parce qu'il m'avait semblé qu'auprès de vous pouvait se trouver un de ses maris. Près de moi et où cela ? Mais chez vous ? Chez nous. Michel, par exemple. » Elle eut un geste de contrariété, ses sourcils se plissèrent, elle se mordit les lèvres. « Sans doute, dit-elle après un moment de silence, Michel a toutes sortes de qualités et personne ne les connaît et les apprécie mieux que moi. Mais Michel, c'est mon camarade. Nous avons, pour ainsi dire, été élevés ensemble. Est-ce qu'on épouse son frère ? Je n'avais pas pensé à cela. Et puis, ce qui fait que je suis difficile à marier, c'est que je suis très exigeante. Ainsi, je veux un mari qui m'aime. Cela est très juste. Que j'aime. Cela est plus juste encore. Mais quelle qualité doit-il réunir, ce mari, pour que vous l'aimiez ? Beaucoup de qualités. D'abord, il faut qu'il ne soit pas vieux. Cela se comprend. Ni trop jeune. Il ne doit pas avoir moins de 25 ans et ne doit pas en avoir plus de 30. Ensuite, il faut qu'il me plaise. C'est aussi très raisonnable. Mais comment faut-il être pour vous plaire ? Ni beau, ni laid. Cependant, plus près de la beauté que de la laideur, avec un point lumineux dans le visage qui attire le regard. Qu'il ait de beaux yeux, par exemple, des yeux qui parlent. Ensuite, il faut qu'il ait de la bonté dans le cœur, de la générosité dans les idées, de la fierté dans les sentiments. Oh, pour cela, je serai féroce. Enfin, pour tout dire en un mot, il faut qu'il y ait en lui quelque chose de supérieur. Car ce n'est pas seulement de l'amour que je veux avoir pour lui, mais encore de l'estime, du respect. Et quelle est cette supériorité que vous exigez? Sans doute, je m'explique mal et ne trouve pas le mot convenable. Mais si, pendant le dîner, vous pensez à ce que nous venons de dire, vous me comprendrez. Mon oncle va venir dîner avec nous. Comparez-le à mon père. Mon oncle sait tout ce qu'on peut savoir. Il parle admirablement. Il est très bon. Pour moi, ce n'est pas un homme supérieur. Mon père, au contraire, en est un, bien que pour mille choses, il soit au-dessous de mon oncle. Elle se tut et il ne poussa pas plus loin ses interrogations. Alors, comme il marchait en silence, tout à coup elle s'arrêta. Et mon père, dit-elle, qui nous avait recommandé de ne pas nous écarter, voyez comme le moulin est loin derrière nous. Elle s'était retournée avec vivacité. La brusquerie de son mouvement fit envoler un martin pêcheur qui, d'un jet, traversa la rivière rapide comme une balle. Sous les rayons obliques du soleil couchant, son plumage d'azur éblouit leurs yeux comme un éclair. Voulez-vous revenir sur nos pas? Dit-elle.